ici à Assemblage Requis. Dans leur capsule humoristique Vidons la longue question, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault parlent de la Saint-Valentin en retard. Et comme à chaque semaine, Stéphanie Gagné partage ses coups de cœur artistiques et culturels dans ton plat favori. Soyez-y dès 15h à Assemblage Requis.